plus fort, sensible, des mots, des sons, j'entends rien, un petit mix et comme ça, croisement et programme mêlé, plus fort, j'entends rien, des mots, des sons sensibles, Loïc et Lionel, pour ce programme qui reçoit Monica aujourd'hui. Monica a adapté un petit set acoustique ou presque, trois titres qu'ils vont nous proposer en direct donc et en live dans les studios de Dio. Merci à vous. Ouais. Bah, du coup, je reviens juste sur ce fameux merde au smack. Probablement que ce morceau s'arrêtera ou pas. Surprise. Vas-y, Lilian. Bon, t'inquiète. Jamais 36 panthères dans la neige, paysage de la fin. La terre n'est que de glace, 36 panthères y chassent. Avant la glace et leur festin, bientôt il ne restera rien. Est passé, la cassette est restée, plus qu'une panthère dans la neige, l'air seul dans la faim, allongé dans le froid, la neige recouvre sa tête, elle ne sera jamais ce que la cassette disait. Dans le froid, la neige recouvre sa tête. Allongée dans le froid, la neige recouvre sa tête. Attentive à son tricot, monte escalier à 160. Jeannine, femme conquise, quand la foule se dresse face aux règles accablantes, elle danse en tortillant ses rides. Jeannine s'apprête à la bagarre, ceinture en cuir et pas de contention. Son dentier se pose lui aussi des questions. La terreur quand elle fonce sur la meute avec son déambulateur. Notre grabataire un peu aigri, armé de son parapluie, s'en allait faire la guerre au fort. policière. D'un geste malhabile, elle s'effondre. Les matraques abusives ont achevé sa danse. Ils étaient tous face à Jeannine, c'est dire leur indécence. Personne ne t'oubliera, Jeannine, on te promet. Son regard, il n'y avait pas de tendresse. Elle excellait à la bagarre face à l'état en détresse. Quand on croisait son regard, il n'y avait pas de tendresse. Elle excellait à la bagarre face à l'état en détresse. Quand on croisait son regard, il n'y avait pas de tendresse. Elle excellait à la bagarre face à l'état en détresse. Quand on croisait son regard, il n'y avait pas de tendresse. Elle excellait à la bagarre face à l'état en détresse. Quand on croisait son regard, quand on croisait ton regard, quand on croisait ton regard, quand on croisait Jeannine. Jeannine. puis des bisous à Janine. Vive les mamifs, vive les mamies militantes. Ouais. Et stop aux violences policières. C'est Monica sur le 895 de Dio. Et on arrive en quasi terme de cette dernière ligne droite et de petit set avec un troisième et dernier titre. Tu le disais, Aga, tout à l'heure, presque votre tube qui vous accompagne. Merci encore à vous, en tout cas. Merci à vous de nous accueillir. Merci à vous. Bah oui, carrément. Ouais. C'est super. En plus, on a eu des pains au chocolat et du sirop de cassis. C'était ça... bon. J'ai changé le tempo. Ouais, j'ai changé le tempo, ouais. Ça vous va comme ça, ce tempo? Perdu 15 secondes, je commence à perdre pied. La dictature des publicités me rend toujours plus folle alliée. J'ai perdu 15 secondes, je commence à perdre pied. La dictature des publicités me rend toujours plus folle alliée. D'une recette planante, d'une pâtisserie indémodable, je fais l'amour à McDonald's. J'ai perdu 15 secondes quand j'ai vu à la télé le pack latex menottes fouet me mener par le bout du nez. J'ai perdu 15 secondes sur un tuto rhum arrangé. Rhum immonde, vie succombée, la dictature des publicités me rend toujours plus folle alliée. J'ai perdu 15 secondes sans pouvoir passer l'annonce. La dictature des publicités me rend toujours plus folle alliée. J'ai perdu 15 secondes, je commence à perdre pied. La dictature des publicités me rend toujours plus folle alliée. 15 secondes, 15 secondes, 15 secondes. Bravo le Monique Roux. On a bien rigolé. On a bien ri. Merci à vous.